L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me mène à des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans la justice à cause de son nom. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans la justice à cause de son nom. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Oui, je me confie à l'Éternel Dieu. Alléluia, je m'abandonne dans ses mains. Alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau, ce sont eux qui me rassurent. Même quand je marcherai dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me rassurent. Oui, je me confie à l'Éternel Dieu. Alléluia, je m'abandonne dans ses mains. Alléluia, l'Éternel. Oui, je me confie à l'Éternel Dieu. Alléluia, je m'abandonne dans ses mains. Alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Jésus est o meu pastor, nada me faltará, nada, nada me faltará. Jésus est o meu pastor, nada me faltará, nada, nada me faltará. Jesus me consinará. Na kozanga lo kote, na kozanga lo kote. Yesu mokonzi nanga, na kozanga lo kote, na kozanga lo kote. The Lord is my shepherd, the Lord is my shepherd. L'Éternel est mon berger, je ne m'en